Esteu escoltant Hola la Music, el programa de música francesa presentat per Rafael Corbí. C'est Montmartre le soir, le champagne pétille, au milieu des chansons et des rires de filles, un tango langoureux s'exhale des violons, mais soudain tout se tait lorsque paraît Manon. Manon, c'est la beauté, la radieuse jeunesse. Manon, c'est des romans, l'idéal maîtresse. Manon, c'est une enfant échappée au couvent qui rentre étourdiment dans la vie, hélas, en dansant. Danse, Manon, le tango de folie qui t'attire, te prend et qui t'entraîne ravi. Le tango qui te brise en te prenant ta vie. Fragile papillon, danse, danse au bel l'éclair d'un printemps sur sa route fleurie. Manon a tout tenté, a tout goûté de la vie. Comme un parfum subtil s'envole sa santé. Mais qu'importe la mort si l'on meurt en beauté. Allons, vous les violons, attaquez-nous la danse. De ce tango final, rythmez bien la cadence. Mais brisez vos archets, vous avez réussi. Que tout s'arrête ici, pour Manon, le bal est fini. Car Rose, elle a vécu ce que vivent les roses. Manon, comme une fleur, est morte à peine éclose. Selon sa volonté, dans un geste dévot, fleurissait son tombeau de rose, de couleur tango. És el vostre programa de música en francès, es diu Hola la Música, i us el presenta Rafael Corbí. Recordem cançons antigues, escoltem cançons més modernes. Senzillament volem passar una hora escoltant música cantada en francès. Georgel, le tango de Manon, ens acompanyava, i aquest amor que ens aportava amb música pop, la Vicky Leandros, L'amour est bleu. Comme l'eau, va sa limite, comme un coureur qu'on renvoie à sa ligne. Les vertus de ma patience ne sont pas infinies, et la marge d'espérance qu'il reste lentement se replie. Son dénouement, un corps qui respire pour passer son temps, d'éviter les départs et se tirer dans le pied, appréhender les résultats avant même d'avoir essayé. Les bons joueurs se risquent et puis font face, mais dans la peur, tu encaisser les coups durs veut aussi dire se relever. Les vainqueurs se risquent et puis font face, mais dans la peur tu pratiques ton surplace et te contournes tes êtres aux gens. La música, les cançons en francès, les cançons que ens portava amb aquesta cançó Sarah Vaughan. I ara, una altra de les grans intèrprets que ens poden acompanyar, perquè és boníssima, Billie Eilish. L'escoltarem amb aquest L'amour de ma vie. I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you when I looked in your eyes. But I need to confess, I told you a lie. I said you break your heart. Did I waste your time? I tried to be there for you.

C'est encore un de ces soirs où j'ai mon cœur d'automne, où je viens chercher ton amitié d'homme. Combien de fois j'ai poussé ta porte en sanglots et bu dans ton verre l'alcool qui réconforte, les mots faut bien qu'ils sortent. Là, j'aimerais tellement être un mystère et que tu me parles comme un être cher, cher au-delà. Que tu es de moi un besoin si tendre, une envie si tendre. Je me sens si proche de tout quitter, tellement décalé. Esteu escoltant Ulala Music. Précieux pour l'oubli. Oh, l'obsession de te baiser. combinació de músiques diferents i d'estils diferents, Patricia Cass en directe des del 2002 amb el Famo Alamitier, que ens havia acompanyat, i també des del 2024 aquesta cançó que ara mateix escoltàvem i que ens aportava concretament Pop Navel, o Pop Navel, digue-li com vulguis en francès, Obsession es titulava el títol. Recordem ara Julien Clerc, a Hola la Música, això és Ma Performance. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est, et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi. Ma préférence à moi. Ma préférence à moi. Aujourd'hui t'es qu'un connard. Passe ton chemin moi. J'ai pas le temps pour les gamins. Passe ton chemin moi. J'ai pas le temps pour les gamins. T'as voulu prendre la fuite. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Allez, voulu prendre la fuite. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Passe ton chemin moi. J'ai pas le temps pour les gamins. Passe ton chemin moi. J'ai pas le temps pour les gamins. T'as voulu prendre la fuite. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Allez. Souhaite le meilleur pour la suite. Toi et moi, game over. Mes skins, c'est un imposteur. J'suis mieux que l'inspecteur. Ça, c'est digne d'un film d'horreur. Oh, je t'aime, mais j'vais te bloquer. Tu me fais plus de peine maintenant, j'suis concentré. Naturel qui revient au galop. Tu me connais bien, j'ai la boco. Toi, pour les gamins. Passe, passe ton chemin, moi. J'ai pas le temps pour les gamins. T'as voulu prendre la fuite. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Allez, voulu prendre la fuite. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Hey. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Imposteur, je te laisserai ma tête en poster. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Imposteur, je te laisserai ma tête en poster. Des de 2024, Linda ens aportava aquesta cançó. Ja sabeu que m'ha agradat, el decurs de tots els programes que portem de Olala Música, escoltar amb aquesta gent tan fantàstica que són les Enfoguer, amb una de les seves cançons fantàstiques que sempre ens han acompanyat i, òbviament, en directe. Je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. À tous les recalés de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage, si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain nos noms peut-être grossiront la liste. Les autres sont toujours, toujours en overdose. J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir. Mais pour tenir, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. C'est pas vraiment ma faute si on a qui ont faim. Mais ça le deviendrait si on n'y change rien. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Dépassé, mais chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Je te promets pas le grand soir, mais juste à manger et à boire. Un peu de pain et de chaleur dans les restos du cœur. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir. aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Dépasser le chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Je te promets pas le grand soir, mais juste à manger et à boire, un peu de pain et de chaleur dans les restos du cœur. Fais signe si t'as besoin de parler. Je te donne ce que j'ai, t'en as besoin, faut lâcher prise. T'esquives, mais je connais le sujet. On recherche une trêve quand la douleur se fait sentir. Je suis pas le meilleur pour ça, mais j'entends dans ta voix une envie d'ailleurs, une envie d'aller mieux. Et je n'insiste pas, ça me regarde pas, cette envie d'ailleurs. Et quand j'appelle ce soir, tu me réponds dans le noir. Tu dis qu'il est trop tard pour aller mieux, pour avancer. Et quand j'appelle ce soir, tu me réponds dans le noir. Je crois qu'on est des milliards à pas savoir vers où avancer. Le pire, ça serait de faire un choix, de tout garder tout bas, que ça t'empêche de nous le dire. Respire l'amour autour de toi, il ne disparaît pas, on sera mille à te retenir. Je suis pas le meilleur pour ça, mais j'entends dans ta voix une envie d'ailleurs, une envie d'aller mieux. Et je n'insiste pas, ça me regarde pas, cette envie d'ailleurs. Et quand j'appelle ce soir, tu me réponds dans le noir. Tu dis qu'il est trop tard pour aller mieux, pour avancer. Et quand j'appelle ce soir, tu me réponds dans le noir. Je crois qu'on est des milliards à pas savoir vers où avancer. Nous on sait qu'on a des histoires à chanter, qu'on a des montagnes à monter. Et si la lumière s'éteint, on la rallumera demain. On sait qu'on a des histoires à chanter, qu'on a des montagnes à monter. Et si la lumière s'éteint, on la rallumera demain. Tu dis qu'il est trop tard pour aller mieux, pour avancer. Et quand j'appelle ce soir, tu me réponds dans le noir. Je crois qu'on est des milliers. Ce soir, tu me réponds dans le noir. Tu dis qu'il est trop tard pour aller mieux, pour avancer. Esteu escoltant Hola la Music amb Rafael Corbí. T'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, des à la saison, des à saison, des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger, si tu crois que ça va, ça va, que ça va, que ça va durer toujours ce que tu te gourres. Fillette, fillette, ce que tu te gourres. Les beaux jours s'en vont, les beaux jours de fête, soleils et planètes. tournent tous en rond. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu vois pas. Très sournois s'approche la ride véloce, la pesante graisse, le menton triplé, le muscle avachi. Allons, cueille, cueille les roses, roses de la vie, roses de la vie. Et que leurs pétales soient la mère étale de tous les bonheurs, de tous les bonheurs. Allons, cueille, cueille, si tu le fais pas, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Si han recordat tot un clàssic amb una veu d'aquestes extraordinàries que al llarg dels anys ens han acompanyat en molts programes. Aquest és el 170 del nostre Hola la Musique, des que van decidir dedicar aquesta hora a la música en francès. Julie Grejo ens acompanyava amb aquest Si tu t'imagines, una de les cançons, crec recordar, al final dels anys 70. I de 2024, concretament del juliol, Vos, Parler tu va, és aquesta la cançó que sentim també avui a Hola la Música. Faut que encaisser l'état. J'viens du Tchex depuis que je suis petit, c'est la misère. J'viens d'Afrique depuis tout petit, j'me sens lésé, lésé. Le temps passé, ils sont tous morts dans mes plans. Parler tout bas comme Alizé, cœur noir parce que cœur blanc, j'me sens baisé, baisé. C'est du futile, faut que encaisser l'état. J'viens du Tchex depuis que je suis petit, c'est la misère. J'viens d'Afrique depuis tout petit, j'me sens lésé, lésé. Le temps passé, ils sont tous morts. Un peu, j'prends tout. Y'a plein de vautours. Là, j'suis en plein dans le zoo. J'mange seul dans le zoo. T'as quitté le sang, le vent tourne. Y'a reste du monde autour. 9-4 présentés. Faut qu'on soit plein et en paix. Tu donnes un peu, j'prends tout. Y'a plein de vautours. Là, j'suis en plein dans le zoo. Parler tout bas comme Alizé, cœur noir parce que cœur blanc, je me sens baisé, baisé. C'est du futile, faut que encaisser l'état. J'viens du Tchex depuis que je suis petit, c'est la misère. J'viens d'Afrique depuis tout petit, je me sens lésé, lésé. Le temps passé, ils sont tous morts dans mes plans. Parler tout bas comme Alizé, cœur noir parce que cœur blanc, je me sens baisé, baisé. C'est du futile, faut que encaisser l'état. J'viens du Tchex depuis que je suis petit, c'est la misère. J'viens d'Afrique depuis tout petit, je me sens lésé, lésé. Le temps passé, ils sont tous morts dans mes plans. Baiser, baiser, c'est du futile, faut que encaisser l'état. je viens entre tes reins. Je vais et je viens entre tes reins et je me retiens. J'aurais dit toutes les choses que je ne t'avais jamais dites, que ta peau a l'odeur des roses, que j'adore le prénom Edith. Je t'aurais dit toutes les choses qu'on ne dit pas assez souvent, car souvent dans la vie on n'ose pas dire les choses tant qu'il est temps. Je t'aurais raconté la mer, que tu la vois une fois encore. On aurait viré l'infirmière, puis on aurait rigolé fort. Je t'aurais dit que ton visage me fait penser à l'océan, que tes rides ressemblent à des vagues où vont se baigner les enfants. J'avais su en partant ce soir-là, si j'avais su que le temps n'attend pas, si j'avais su, si j'avais su que c'était la première fois que je te voyais pour la dernière fois, je te J'aurais refait ton chignon et toi tu m'aurais dit ça tire. J'aurais fait un peu le con juste pour regarder ton sourire. Je t'aurais promis de faire une chanson qui raconterait comme t'étais belle, qui raconterait comme on est con, croire que les gens sont éternels. Et puis je t'aurais serré si fort qu'il y aurait des marques à ton cou. Je t'aurais regardé encore et puis je t'aurais regardé surtout. Je t'aurais enfermé dans mes yeux, j'aurais capturé ton parfum. Je t'aurais dit au revoir un peu mieux, puis j'aurais menti à demain. En partant ce soir-là, si j'avais su que le temps n'attend pas, si j'avais su, si j'avais su que c'était la première fois que je te voyais pour la dernière fois, je me serais dépêché de t'aimer. Comme l'on court après la vie, car on n'aime jamais assez. Je t'aurais dit je t'aime aussi. Les mots faut pas qu'on les conserve, faut les distribuer à la ronde. Sinon les mots, à quoi ils servent? À part à décorer les tombes. Si j'avais su en partant ce soir-là, si j'avais su que le temps a punt de finalitzar el nostre programa amb la música del record, l'heu reconegut, Jotent, amb aquell tema d'en Serge Gainsbourg, i també amb aquesta cançó que ens aportava des de 2024, la música d'en Claudio Capeo, amb aquest Si ja feu su. I per anar finalitzant el programa, una cançó que recordarem a càrrec de la Stephanie Lapont. Oh, com je voudrais vous raconter comment c'était avec le plus de vrai beau comme l'est l'île de mon enfance, le palais de mes nuits blanches, un monde de désert, une cité de vapeur amère, du ventre de la terre, de la mer, d'un ciel ouvert. Mon île, mon repère. J'attends tous les matins le grand vaisseau d'or, le voir venir ajouter au décor. Montagne, vallée, d'avalée, d'inquiétantes couleurs, abandonnées à une bouche affamée. Je l'habite pour gratis, d'or à ciel ouvert d'air. Tanquem ja la paradeta amb el nostre programa perquè estem fora de temps. Hola, temps en temps, i nosaltres que us desitgem que passeu una molt bona setmana i ens retrobem la següent. Ha estat Hola, la música, programa de música en francès amb Rafael Cordó. Adéu-siau. M'appelle à plus 100, tu vois ce qu'il est problème. Dès que là quand ça baisse, si je fais un test que je te laisse derrière, je suis sûr que tu vas me la mettre. Salopette, va t'y retourner ta veste. Donc ça sera plus pareil, donc ça sera plus pareil. Ils osent dire que j'ai changé, ouais c'est le monde à l'envers. Ces fils de pis sont bizarres, quelquefois je me sens baisé. On se lève tôt, on se couche trop tard. La haine m'attise, nous bousille. J'arrive bourré dans le chopper, je dégaine un glock, je dégaine un blunt. Et comme je suis pas un bouffon, du coup j'ai fait justice moi-même. De temps en temps je fume la peur. Le pédo me fait mal au crâne, putain de merde. Rien que j'enchaîne les meufs. Depuis que je rappe, je peux pas être star. Même si je suis loin, faut que je recharge le tartin. Je garde un oeil sur mes biens et je garde les miens très proches de moi. Même si je suis loin, faut que je recharge le tartin. Je garde un oeil sur mes biens et je garde les miens très proches de moi. J'arrive bourré dans le chepas, c'est encore pire quand je repars. Je veux pas voir ce que j'ai vu, moi non plus, mais c'est trop tard. J'fais métal matin, toi t'es bloqué sur un vent. J'ai pas changé, qu'est-ce que tu racontes? J'ai grave d'étale, mais j'me la raconte. C'est pas faire de tag, t'es un contrat. On chasse la monnaie comme si on a pas. Personne se connaît quand demande le star. J'ai des photos de poteaux quand ils se gâtent. Tout aussi, j'me déplace, c'est sûrement pour l'argent. J'passe des photos de moi avec ce pétard sans les gants. De temps en temps, j'fume la peur. Le pédo me fait mal au crâne, putain de merde. Rien que j'enchaîne les meufs. Depuis que je rappe, je peux pas être stable. Même si je suis loin, faut que je recharge le tartin. Je garde un oeil sur mes gains et je garde les miens très proches de moi. Même si je suis loin, faut que je recharge le tartin. Je garde un oeil sur mes biens et je garde les miens très proches de moi. De temps en temps, je fume la peur. Le pédo me fait mal au crâne, putain de merde.